Passable, ça pour faire. Yo crié nous la police. Yo mené nous en justice. Yo dit nous, nous tué Jojo. Mais c'est quand nous pris les quais à l'île. Car dans son nom, t'es trop fort Bali. Bah si danser toute l'ennui. Yo yo, ils sont qui vivant, pas côté sans azote. Non pas ça, ça pour faire. Yo crié nous la police. Yo mené nous en justice. Yo dit nous, nous tué Jojo. Musique à nous fait allumer de passe partout. Et puis faut des folies, mais